Les Frères Corses, chapitre 13. Nous trouvâmes au salon plusieurs de mes amis, des habitués du foyer de l'opéra, des locataires de la loge infernale, de B, L, V, A. De plus, comme je m'en étais douté, deux ou trois dominos démasqués qui tenaient leurs bouquets à la main en attendant le moment de les planter dans les carafes. Je présentai Louis de Franqui aux uns et aux autres. Il est inutile de dire qu'il fut gracieusement accueilli des uns et des autres. 10 minutes après, D rentra à son tour, ramenant le bouquet de myosotis, lequel se démasqua avec un abandon et une facilité qui indiquaient la jolie femme d'abord et ensuite la femme habituée à ces sortes de parties. Je présentai M. de Franqui à D. « Maintenant, dit de B, si toutes les présentations sont faites, je demande qu'on se mette à table. »« Toutes les présentations sont faites, mais les convives ne sont pas arrivés. » répondit D. Et qui nous manque-t-il donc? Il nous manque encore Château Renaud. Ah, c'est juste. N'y a-t-il pas un pari? Demanda V. Oui, un pari pour un souper de 12 personnes s'il ne nous amène pas une certaine dame qu'il s'est engagé à nous amener. Et quelle est donc cette dame? Demanda le bouquet de myosotis. Qui est si farouche qu'on engage à son endroit de semblable pari? Je regardai de Franqui. Il était calme en apparence, mais pâle comme la mort. Ma foi, répondit D, je ne crois pas qu'il y ait grande indiscrétion à vous nommer le masque, d'autant plus que selon toute probabilité, vous ne le connaissez pas. C'est madame. Louis posa la main sur le bras de D. Monsieur, lui dit-il, en faveur de notre nouvelle connaissance, accordez-moi une grâce. Laquelle, monsieur? Ne nommez pas la personne qui doit venir avec monsieur de Château-Renaud. Vous savez que c'est une femme mariée. Oui, mais dont le mari est à Smyrne, aux Indes, au Mexique, je ne sais où. Quand on a un mari si loin, vous le savez, c'est comme si on n'en avait pas. Son mari revient dans quelques jours. Je le connais. C'est un galant homme. Et je voudrais, si c'est possible, lui épargner le chagrin d'apprendre à son retour que sa femme a fait une pareille inconséquence. « Alors, monsieur, excusez-moi, dit D. J'ignorais que vous connussiez cette dame. Je doutais même qu'elle fût mariée. Mais puisque vous la connaissez, puisque vous connaissez son mari, je les connais. Nous y mettrons la plus grande discrétion. Messieurs et mesdames, que Château Renaud vienne ou ne vienne pas, qu'il vienne seul ou accompagné, qu'il perde ou gagne son pari, je vous demande le secret sur toute cette aventure. » Le secret fut promis d'une seule voix, non pas probablement par un sentiment bien profond des convenances sociales, mais parce qu'on avait très faim et par conséquent qu'on était pressé de se mettre à table. « Merci, monsieur, dit de Franqui à D en lui tendant la main. Je vous assure que vous venez de faire acte de galant homme. » On passa dans la salle à manger et chacun prit sa place. 2 places restèrent vacantes. C'était celle de Château Renaud et de la personne qu'il devait amener. Le domestique voulut enlever les couverts. « Non, dit le maître de la maison, laissez, Château Renaud a jusqu'à 4 heures. À 4 heures vous desservirez. À 4 heures sonnantes, il aura perdu. » Je ne quittai pas du regard monsieur de Franqui. Je le vis tourner les yeux vers la pendule. Elle marquait 3h40. « Allez-vous bien ? Demanda lui froidement. « Cela ne me regarde pas, » dit en riant D. « Cela regarde Château Renaud. J'ai fait régler ma pendule sur sa montre, afin qu'il ne se plaigne pas d'avoir été surpris. »« Eh, messieurs, » dit le bouquet de myosotis, « pour Dieu, puisqu'on ne peut pas parler de Château Renaud et de son inconnu, n'en parlons pas, car nous allons tomber dans les symboles, dans les allégories et dans les énigmes, ce qui est mortellement ennuyeux. »« Vous avez raison, et, » répondit V. Il y a tant de femmes dont on peut parler et qui ne demandent pas mieux qu'on parle d'elles. À la santé de celle-là, dit Day. Et l'on commença à remplir les verres de champagne glacé. Chaque convive avait sa bouteille près de lui. Je remarquai que Louis effleurait à peine son verre de ses lèvres. « Buvez donc, lui dis-je. Vous voyez bien qu'il ne viendra pas. » « Il n'est encore que 4h-15, dit-il. À 4h, tout en retard que je serai, je vous promets de rattraper celui qui sera le plus en avance. À la bonne heure !» Pendant que nous échangeions ces paroles à voix basse, la conversation devenait générale et bruyante. De temps en temps, Day et Louis jetaient les yeux sur la pendule qui continuait à poursuivre sa marche impassible, malgré l'impatience des deux personnes qui consultaient son aiguille. À 4h-5, je regardai Louis. « À votre santé !» lui dis-je. Il prit son verre en souriant et le porta à ses lèvres. Il en avait bu la moitié à peu près quand un coup de sonnette retentit. J'aurais cru qu'il ne pouvait pas devenir plus pâle. Je me trompais. « C'est lui, » dit-il. « Oui, mais ce n'est peut-être pas elle, » répondis-je. « C'est ce que nous allons voir à l'instant. » Le coup de sonnette avait éveillé l'attention de tout le monde, et le silence le plus profond avait immédiatement succédé à la bruyante conversation qui courait tout autour de la table et qui, de temps en temps, sautait par-dessus. On entendit alors comme un débat dans l'antichambre. Day se leva aussitôt et alla ouvrir la porte. « J'ai reconnu sa voix, » me dit Louis en me saisissant le poignet qu'il serra avec force. « Allons, allons, du courage, soyez homme, » répondis-je. Il est évident que si elle vient souper ainsi chez un homme qu'elle ne connaît pas et avec des gens qu'elle ne connaît pas davantage, c'est une catin, et une catin n'est pas digne de l'amour d'un galant homme. « Mais je vous en supplie, madame, » disait Day dans l'antichambre. « Entrez donc, je vous assure que nous sommes tout à fait entre amis. »« Mais entre donc, ma chère Émilie, » disait Monsieur de Château-Renaud. « Tu ne te démasqueras pas si tu veux. »« Le misérable !» murmura Louis de Franqui. En ce moment, une femme entra, traînée plutôt que conduite par Day, qui croyait accomplir son office de maître de maison. Et par Château-Renaud. « 4h-3, » dit tout bas Château-Renaud à Day. « Très bien, mon cher, vous avez gagné. »« Pas encore, monsieur, » dit la jeune femme inconnue en s'adressant à Château-Renaud et en se redressant de toute sa hauteur. « Car je comprends votre insistance maintenant. Vous avez parié de m'amener souper ici, n'est-ce pas ?» Château-Renaud se tut et elle s'adressa à Day. « Puisque cet homme ne répond pas, « Répondez-vous, monsieur, » dit-elle. « N'est-ce pas que monsieur de Château-Renaud avait parié qu'il m'amènerait souper chez vous ?»« Je ne puis pas vous cacher, madame, que monsieur de Château-Renaud m'avait flatté de cet espoir. »« Eh bien, monsieur de Château-Renaud a perdu, car j'ignorais où il me conduisait et je croyais aller souper chez une de mes amies. Or, comme je ne suis pas venue volontairement, monsieur de Château-Renaud doit, ce me semble, perdre le bénéfice de la gageure. » « Mais maintenant que vous y êtes, chère Émilie, » reprit Monsieur de Château-Renaud, « vous resterez, n'est-ce pas ? Voyez, nous avons bonne compagnie en homme et joyeuse compagnie en femme. »« Maintenant que j'y suis, » dit l'inconnu, « je remercierai monsieur qui me paraît le maître de la maison du bon accueil qu'il veut bien me faire. Mais comme malheureusement je ne puis répondre à sa gracieuse invitation, je prierai Monsieur Louis de Franqui de me donner le bras et de me reconduire chez moi. » Louis de Franqui ne fit qu'un bond et se trouva en une seconde entre Monsieur de Château-Renaud et l'inconnu. « Je vous ferai observer, madame, » dit-il les dents serrées par la colère, « que c'est moi qui vous ai amené et par conséquent que c'est à moi de vous reconduire. »« Messieurs, » dit l'inconnu, « vous êtes ici 5 hommes. Je me mets sous la sauvegarde de votre honneur. Vous empêcherez bien, je l'espère, Monsieur de Château-Renaud de me faire violence. » Château-Renaud fit un mouvement. Nous nous levâmes tous. « C'est bien, madame, » dit-il. « Vous êtes libre. Je sais à qui je dois m'en prendre. »« Si c'est à moi, monsieur, » dit Louis de Franqui avec un air de hauteur impossible à exprimer, « vous me trouverez demain toute la journée, rue de Helder, numéro 7. » C'est bien, monsieur. Peut-être n'aurai-je pas l'honneur de me présenter chez vous moi-même, mais j'espère qu'en mon lieu et place, vous voudrez bien recevoir deux de mes amis. Il vous manquerait, monsieur, dit Louis de Franqui en haussant les épaules, de donner un pareil rendez-vous devant une femme. Venez, madame, continua-t-il en prenant le bras de l'inconnue, et croyez que je vous remercie du fond du cœur de l'honneur que vous me faites. Et tous deux sortirent au milieu d'un profond silence. Eh bien quoi, messieurs, dit Château-Renaud quand la porte se fut refermée. J'ai perdu, voilà tout. Après-demain soir, tous, tant que nous sommes ici, aux frères provençaux. Et il s'assit à l'une des deux places vides, étendit son verre à dés, qui le remplit bord à bord. Cependant, comme on le comprend bien, malgré la bruyante hilarité de monsieur de Château-Renaud, le reste du souper fut assez maussade. Siamo uniti in cui stessa gloria.